Bien bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et comme à chaque semaine, Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Et ça me fait plaisir d'être là, je le dis à toutes les semaines, mais c'est vrai, ça me fait plaisir de partager la richesse et la diversité de la musique franco-canadienne. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai, entre autres, les gagnants de Accro de la chanson 2019. Il y a les Sales Barbes, il y a Suroi. L'album de la semaine, c'est celui de Geneviève et Alain. On va entendre également du Céleste Lévis, du Michel Lalonde, Jeannie René, Sparrow Jones, Laurent Roy. J'aurai aussi du Eve and the Talent, nouveauté de Calgary. Assez intéressant, merci. On va entendre Soir de semaine et bien d'autres. Donc, restez là. Je vous reviens, bien entendu, pour le début de l'émission avec le bloc des Maritimes à Canrock. Bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Très content d'être avec vous. Et comme à l'habitude, en début d'émission, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup au directeur, directrice de programmation des stations suivantes, CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et aussi CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, CIVR Yellowknife, Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions ou contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Voilà. Allons-y avec le bloc des Maritimes qui va commencer avec les gagnants. Eh oui, les gagnants de Accro de la chanson 15 pour l'édition 2019. Et ça s'est décidé là, le 15 août dernier. Et puis, la grande gagnante catégorie solo, c'est Marie-Ève Caron. On va l'entendre avec l'excellente chanson Vulnérable. Et un groupe que moi, j'aimais bien, drôle de nom, mais quand même, dans la catégorie groupe, les grands gagnants, c'est les Ananas, qui nous offraient Ginette, très, très belle chanson. Mais comme pour le 25e anniversaire de Canrock, on choisit des chansons souvenirs, allons puiser dans la catégorie accro de la chanson avec Émilie Landry, Les Marées, en 2013. Dans une petite ville, dans une petite maison, une petite fille a grandi, ça n'a pas été long. 18 ans dans un clin d'œil, au revoir à l'enfance, elle fait son deuil. Petit pied, pas géant, faire son avenir, vers l'inconnu, désespoir du mauvais temps. Trop de gens qui pourraient l'ont peur, calmer vos craintes sous son cœur. Tu m'as néantisé, t'es parti tout. fille du quartier. Des pointes vertes à petits rochers. C'était la demoiselle la plus convoitée. C'est drôle de voir comment ces choses peuvent changer. Gagnant de Accro de la chanson 2019, la 15e édition, eh bien, c'est Madame Marie-Ève Caron qu'on a entendue avec Vulnérable et les Ananas Ginette à suivre, bien sûr. Et encore une autre fois, la Fédération de la jeunesse francophone du Nouveau-Brunswick, la FJFNB, a réussi de main de maître d'organiser cette belle édition et d'encadrer surtout les jeunes et de les motiver à faire de la musique en français. Bravo à toute l'équipe d'Accro de la chanson. Donc, bien content, moi, d'encourager ça et de faire tourner ça à chaque année parce que c'est la relève, hein? On sait, Lisa Leblanc, Jean-Marc Couture de ce monde. Ils ont passé par Accro de la chanson, et puis il y en a qui ont trébuché, il y en a qui ont gagné, mais aujourd'hui, on a des vedettes, des jeunes vedettes qui inspirent des jeunes à faire de la musique en français, qu'on pense aux Hey Babies, qu'on pense à Lisa Leblanc, qu'on pense à Caroline Savoie, qui s'est rendue même jusqu'à The Voice en France. Ces concours-là sont importants pour donner le goût aux jeunes de faire de la musique en français. Bravo à la FJFNB. On va y aller maintenant avec d'autres musiques récentes que j'ai reçues récemment. Il y a entre autres le groupe B qui sont sur le top de l'Arcan, du palmarès de l'Arcan, avec leur chanson qui s'appelle tout simplement Susie. Très bonne chanson, très belle mélodie surtout. Vraiment, c'est génial. On va entendre ça dans quelques instants. Il y a les Sales Barbes après Marcher le plancher, une sorte, un nouvel extrait tiré de leur album en direct ou live des Pas perdus aux îles de la Madeleine. On va entendre la chanson « La danse du Mardi Gras ». Et par la suite, on va entendre aussi Suroi qui va nous faire « Si l'amour prenait racine ». Il y a un beau petit vidéoclip sur ma page Facebook de Canrock, allez voir ça, où ce que Suroi se fait surprendre aux îles de la Madeleine par son public. Allez voir ça, c'est de toute beauté. Mais pour l'instant, voici B, Susie à Canrock. Si samedi soir, y'a rien à faire à Inkerman. Y'a une grosse lumière à l'autre bout de la rue qui s'allume. M'en va la voir comme on embarque dans un rêve. Y'a ben de boucan, y'a ben de la femme, ça sent la sueur. J'm'assis en avant, y'a de quoi qui se passe, j'pense à ma femme. Mais y'a rien que je peux faire, le rideau s'ouvre devant ma face. Voleuse de cœur, dame de pique, elle connaît la game. Jambe de l'enfer, le regard vide. Baby, what's your name? Poche vide, pis le cœur aussi. La lumière s'éteint sur ma petite vie. On va me coucher dans le grand désert, à côté de ma femme, avec ton parfum dans l'air. Les mardis gras s'en viennent tout partout. si l'amour prenait racine, dans mon jardin j'en planterais. Tout garçon qui sait bien son maître ne fait pas l'amour le temps qu'il veut. J'ai bien manqué une seule fois d'aller la voir. La belle me l'a reproché plus de 100 fois. Reviens donc, amant fidèle, ne manque pas d'y revenir. Reviens le jour, la nuit aussi, mon bel ami. Pour toi les portes qui sont ouvertes le jour et la nuit. Le beau galant manque pas l'heure, il arriva sur la minuit. Belle dormez-vous, sommeillez-vous, belle endormie. Dehors ici je vous attends de froid aussi. Ah si l'amour prenait racine, dans mon jardin j'en planterais. J'en planterais, j'en sèmerais aux quatre coins. J'en ferais part à mes amis qui n'en sommeil, je pense à vous toute la nuit. Marchez tout doux, parlez tout bas, mon bel ami. Car si mon papa vous entend, morte je suis. Ne furent pas deux heures ensemble quand la louette chanta. Belle alouette, que chantes-tu? Tu nous trahis. Tu chantes l'aurore du jour, il est nuit. Ah si l'amour prenait racine, dans mon jardin j'en planterais. J'en planterais. Si l'amour prenait racine, dans mon jardin j'en planterai.